Alors c'est le genou à terre. Excuse pour le paysage, j'ai pas eu le choix du moment que je demande ta main à ton père en mariage blanc. J'ai peur de finir seul, c'est que j'ai peur de finir loin, qu'il me foute un coup de pied dans la gueule dans le premier train. Raconte-moi d'où viennent mes chaînes, faudra aussi qu'on me dise pourquoi ton histoire vaut mieux que la mienne et mon chaud ne vaut pas ton froid. Comment faire le partage? Je sais qui m'a mis sur le bord et je sais qui décore ma cage. Ce que vous appelez chez moi, c'est qu'un putain de passeport. Ce qui est pour vous vote une voix, c'est quand je rentre une peine de mort. Alors c'est le genou à terre. Excuse pour le paysage, j'ai pas eu le choix du moment que je demande ta main à ton père en mariage blanc. C'est pour dire, je viens de l'autre côté de l'eau. La rive m'aurait mis hors la loi, m'accuserait de tous ces mots. Je demande qu'à vivre, je crois que j'en ai le droit. Alors dis-moi depuis ta bulle, pourquoi je tousse quand tu bois? Pourquoi je traîne dans une cellule aussi longue que mes deux bras? Alors c'est le genou à terre. Excuse pour le paysage, j'ai pas eu le choix du moment que je demande ta main à ton père en mariage blanc.